isso ganha como na para que não tá na boa na junta e anda na boa mete no corpo de sopas não é um convite meu assim que bom quando tu te pôr na boa com que ended. Oh, Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je crois qu'il fait soir partout, que ce soit en Afrique, au Gabon et en France, un peu partout, en Allemagne, puisque je suis suivi depuis l'Allemagne. Je tiens ici d'abord à m'excuser car le même enseignement que j'ai fait passer ce matin, malheureusement, ce n'était pas un problème avec qui que ce soit, c'était plutôt un problème local. Il y a eu un problème technique et que le live est resté en live. Et YouTube n'aime pas ce genre de désordre parce que si j'aurais laissé cette vidéo en live pour plus de 2 heures de temps, eh bien, mon compte devait être déactivé. Et ils ont vraiment des règles très strictes. Alors, j'ai donc de tout annulé et là, j'ai décidé de le reprendre maintenant. Eh bien, souvenez-vous que le but de notre rencontre aujourd'hui, je vais droit au but, c'est de vous parler des choses qu'il faut éviter de faire afin de, après la réconciliation ou le rite de... Après votre rite de réconciliation ou le rite de premier contact avec votre femme ou mari de nuit. Et c'est ainsi donc, j'ai sélectionné au moins 10 éléments très importants ou encore 10 comportements que vous devez observer. Et dans ces 10 comportements, il est question que je vous rappelle encore sur les 7 piliers d'une relation durable, car ces 7 piliers d'une relation durable sont également des éléments très clés qui peuvent renforcer votre relation et faire en sorte que votre mari de nuit, que vous l'ayez convoqué ou pas, ne peut pas trop avoir une influence. Maintenant, je vais aller tout de suite sur la première règle. Quand vous avez fait votre rite de réconciliation donc, avec votre femme de nuit, voici la première chose qu'il faut éviter de faire. Première chose, éviter de vivre trop séparé au-delà de un mois. Parce que je sais que chez nous en Afrique, souvent, vous savez, on se cherche. Venir se chercher veut dire que deux fois notre mari peut venir ici aux États-Unis ou venir en Europe pour chercher le bonheur de toute la famille. Et que l'épouse reste là-bas derrière, s'occuper un peu de la, des enfants. Malheureusement, notre mari de nuit et notre femme de nuit ne tient pas compte de ces règles sociales. Au contraire, cela est un moyen par lequel elle ou il profite de ce vide-là pour pouvoir mieux s'accrocher à vous. Alors, donc, règle numéro une, s'il vous plaît, ne vivez pas en éloignement dans ce couple. Certes, pour certains, vivre en éloignement peut être une bonne chose. C'est-à-dire que les couples qui sont souvent dans les difficultés, ils jugent mieux de vivre éloignés. Mais dans le plan physique, pour vous, c'est bien. Mais dans le plan spirituel, mystique, vous favorisez le rapprochement de votre mari de nuit ou femme de nuit que vous avez déjà, si vous voulez, causé une forme de semi-divorce en demandant à ce que cette dernière ou ce dernier établisse dans votre foyer une paix. C'est-à-dire, le but du rite, en fait, est de demander à votre mari de nuit ou votre femme de nuit de vous laisser tranquille afin que vous puissiez vivre avec le mari que vous avez dans le plan terrestre. Mais malheureusement, l'éloignement va favoriser son retour. Deuxième aspect, la séparation. Quand vous vivez séparé, que ce soit de manière volontaire, c'est-à-dire, vous avez trop de problèmes, donc monsieur décide de pouvoir se séparer de la femme, cela également peut créer le retour aussi brutal de la femme de nuit ou du mari de nuit dans votre vie. Et troisièmement, les rapports sexuels interruptifs. Qu'est-ce que j'entends par rapport sexuel interruptif? C'est que vous avez des contacts, des rapports intimes avec votre mari ou votre femme, mais pas de manière régulière. Vous faites par exemple pour un couple normal et en bonne santé, de 18 jusqu'à 60 ans, enfin de 18 autant pour moi jusqu'à 40 ans, vous pouvez, selon les normes des sexologues Johnson & Johnson, vous pouvez avoir ces rapports sexuels au moins 3 à 4 fois par semaine pour une meilleure harmonisation. Maintenant, au-delà de 60, c'est-à-dire de 60 jusqu'à 90 ans, écoutez, le rapport sexuel devient un peu hebdomadaire, donc ça peut être une seule fois, toutes les 2 semaines. Mais ça, il faut comprendre que ces créatures que Tata Mwanga, Tata Nzambe, le Dieu Tout-Puissant, nous a créées avec, tiennent compte également des changements biologiques et morphologiques et psychologiques. Donc, au fur et à mesure que vous vieillissez, cette femme n'a plus trop d'influence en vous parce qu'elle ne voit plus par quel moyen elle peut puiser vos énergies, et elle peut mieux vous embêter. Donc, en d'autres termes, les rapports sexuels interruptifs peuvent favoriser le retour de la femme de nuit ou le mari de nuit. N'ayez aucune excuse, s'il vous plaît, de trop interrompre vos rapports sexuels, surtout quand ça va au-delà d'un certain nombre de jours. Ensuite, le fait de dormir toujours séparément plus d'une lune. Dormir séparément plus d'une lune veut dire quoi? C'est-à-dire que vous décidez, vous, le mari, malgré les petites disputes que vous avez, au lieu de trouver une solution, madame, vous préférez aller dormir au sous-bassement, monsieur, ou bien monsieur préfère aller dormir au salon, ben, c'est souvent très fréquent avec les femmes, il y a problème avec le monsieur, donc la femme décide d'aller dormir dans la chambre des enfants ou aller dormir au salon. Ceci, naturellement, va favoriser le retour immédiat de votre mari ou femme de nuit. Ensuite, je vous ai parlé de la masturbation. La masturbation également favorise le retour de la femme ou le mari de nuit. Et je parlais des trois catégories de masturbation. La première masturbation, c'est la masturbation qui est connue comme tous, que même certains scientifiques sont tombés d'accord, excepté moi. Ils ont dit que non, se masturber, c'est bon. Je parle de la masturbation avec jouissance. Donc, la masturbation, vous allez vous satisfaire vous-même jusqu'à jouir. Eh bien, sachez-le, que quand vous vous auto-satisfaisez, pardonnez-moi, quand vous avez cet auto-plaisir, donc vous vous créez ce plaisir vous-même en vous masturbant, cela va favoriser également le retour de la femme de nuit ou le mari de nuit. Parce que quand vous vous touchez vos parties intimes, cela fait en sorte que la femme ou le mari de nuit est connecté par ce cordon ombilical, est connecté dans les arcanes secrètes automatiquement par le plaisir que vous émettez sous couvert des organes de votre corps et par votre pensée. Parce que l'émotion que vous émettez à travers le plaisir que vous éprouvez, vous donc, vous capte directement, capte l'attention de votre mari ou de votre femme de nuit. Donc par conséquent, lorsque vous vous masturbez, la première masturbation biologique qui consiste à vous satisfaire vous-même, vous met d'une manière directe et sans condition avec votre mari ou votre femme de nuit. Donc, une fois vous avez prononcé le divorce, une fois vous avez prononcé la réconciliation pacifique afin de libérer votre foyer, afin de libérer votre couple, n'osez pas vous masturber, s'il vous plaît. Ça, c'est la première masturbation, avec intention de jouissance. Deuxième masturbation, c'est la masturbation qui consiste pour certaines femmes qui exigent à leur mari de ne pas jouir dans son appareil génital. Ce genre de masturbation, bien sûr, vous lirez la Bible. Ceux qui sont chrétiens et ceux qui sont musulmans également, vous lirez les livres sacrés. On vous dira que cette masturbation a entraîné la mort de l'un des petits-fils de Joseph parce que son frère n'avait pas fait d'enfant. Il s'appelait Onan. Voilà, c'est Onan. Et dans la Bible, on appelle ça l'onanisme. L'onanisme est donc la technique sexuelle qui consiste à ne pas jouir dans l'appareil génital de la femme, jouir de côté. Et selon l'histoire qui est connue dans le Coran et connue dans le monde religieux et même chez les juifs, Onan, dont les parents avaient imposé qu'il épouse la femme laissée par son frère dont ils n'ont pas eu les enfants, eh bien, quand il avait les rapports sexuels avec elle, il enleva son appareil génital et il jouit de côté. Et les écrits sacrés nous diront que ce que je vous dis est rapporté dans le livre des Genèse, je crois le chapitre 20 ou 27, et les Écritures nous diront que une fois qu'il ait levé son appareil génital et qu'il ait joui de côté, il fut frappé par un ange et il fut frappé par la mort. Alors, cet exemple nous montre effectivement que vous n'avez aucune raison, madame, d'imposer à cet homme de faire ce genre de choses. Si vous n'avez pas confiance en lui, demandez-lui d'aller faire les tests, des examens de sang pour s'assurer peut-être que si vous n'avez pas confiance du fait qu'il aille dehors, qu'il a des copines, qu'il essaye de vous rassurer par un examen qu'on connaît très bien de la vieille maladie, par exemple du sida ou de l'hépatite virale B, l'hépatite virale A ou C, et il y a même l'hépatite virale H. Tout ceci, vous pouvez donc confirmer et donner confiance au lieu de traumatiser votre mari. Parce que le fait de lui demander de ne pas jouir à l'intérieur parce que vous évitez d'attraper des enfants, dans ce cas, il faut prendre des pilules, il faut prendre des injections pour éviter d'attraper des enfants. Maintenant, mesdames, s'il vous plaît, cette deuxième forme de masturbation, c'est une masturbation. Ça n'a aucune différence entre se masturber avec la main. Parce que vous demandez à votre mari de ne pas jouir en vous. Et dès qu'il jouit dehors, ça là, premier phénomène mystique et métaphysique, les écrits sacrés nous disent que quand vous faites cela, non seulement c'est un acte condamnable, c'est un acte qui est mauvais, et dans certaines religions, on vous dira, vous irez droit en enfer pour le fait de le faire, parce que vous avez le droit de jouer dans l'appareil que Teta Mwanga, le créateur, a prévu pour la circonstance. Mais si vous ne le faites pas, ce sperme qui sort, vous le sacrifiez aux esprits démoniaques, ou bien vous le sacrifiez aux esprits du miasme du bas astral. Alors, parce que vous savez qu'à travers le sperme, il y a ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes, c'est la partie vitale où se trouvent tous les mécanismes et tous les outils importants pour la fabrication d'un être humain, où on trouve les chromosomes X et Y à l'intérieur, qui sont près des composantes chimiques qui contribuent justement à, dans ce laboratoire invisible dont Tata Nzambe lui-même maîtrise, pour pouvoir contribuer à l'arrivée d'un être humain. Donc, par conséquent, le déverser de côté, ce n'est pas bon. Cela va au contraire favoriser l'arrivée, le retour de votre mari ou femme de nuit. Troisième forme de masturbation, bon, je crois qu'elle devait être presque la même chose, donc 2A et 2B. Troisième, ou bien 2B, c'est la masturbation qui consiste à imposer à votre mari ou votre femme de porter le préservatif. Sachez-le, que lorsque vous portez le préservatif, que ce soit selon ce que les médecins disent, que ce soit parce que vous voulez éviter une grossesse, moi je vous parle en tant qu'initié. Et même si vous allez discuter avec les pasteurs, les vrais pasteurs qui connaissent la tradition religieuse, les vrais imams qui connaissent la vraie tradition musulmane, d'abord les musulmans, eux, ils sont très stricts. Ils n'utilisent pas du tout de capote parce que cela est haram. Haram, dans la langue arabe, veut dire interdit, interdiction pouvant vous entraîner à l'enfer ou à la mort. Maintenant, nous, en tant qu'initiés, le fait que vous demandez à votre époux de porter une capote, quelles que soient vos intentions, vous contribuez de manière directe son retour avec sa femme de nuit. Parce que vous ne voulez pas, vous, femme, recevoir ce que Teta Mwanga a mis à l'homme et de vous transmettre le bonheur. Parce que je l'ai toujours développé dans mes enseignements, que dans une relation, il y a des hommes qui portent bonheur, il y a des hommes qui portent malheur. C'est-à-dire que le fait que l'homme ne jouisse pas en vous, vous bloquerez en vous, soit de ne pas recevoir le malheur qui va vous amener, ou bien de vous amener le bonheur. Parce que je sais ce que je dis à peu près plus de 44 ans dans le monde mystique, j'ai discuté avec les vieux, les vieilles de partout le monde, j'ai lu les plus vieux livres, les plus vieux grimoires des grandes magies anciennes, depuis l'antique Égypte, en passant par l'Inde, jusqu'en Iran, tous ces gens-là me diront la même chose. Donc, et même au niveau dans nos terroirs de l'Afrique, renseignez-vous très bien. Cette affaire de pouvoir porter la capote ou de pouvoir jouir de côté contribue à renforcer votre relation avec votre femme de nuit ou votre mari de nuit. Et cela va entraîner naturellement des conflits. Les conflits ne vont jamais finir et votre foyer va être maudit pour le reste de votre vie. Je ne l'invente pas. J'ai écouté un monsieur, un pasteur congolais qui s'appelle Marcelino, que j'aime bien parfois écouter. J'ai suivi l'un de ses enseignements, j'étais surpris. C'était aujourd'hui, il disait effectivement que lorsque l'homme, lorsque vous vous masturbez, mais lui n'est pas entré dans le développement mystique scientifique, mais il a dit que lorsque vous vous masturbez, vous offrez votre sperme au dieu Baal. Cela n'est pas faux, j'ai vérifié les écrits sacrés. Effectivement, en prenant l'exemple de Onan, dans la Bible, cet exemple s'appelle l'onanisme. Retenez bien cette expression pour ceux qui sont chrétiens. L'onanisme, Onan était l'un des petits-fils de Joseph. Il lui avait été imposé de marier la femme de son frère parce que son frère était mort par accident et qu'il n'a pas pu faire les enfants avec cette femme. Donc, selon la tradition juive, on lui avait imposé d'épouser la femme de son frère. Mais lui ne voulait pas respecter la loi. Mais vous savez que la loi est un phénomène égrégorique. C'est-à-dire, de manière collective, toute la communauté qui est autour de vous vit dans des principes, des commandements et des lois, et ces principes, des commandements, des lois sont donc connectés, greffés sur le pouvoir égrégorique, sur le pouvoir religieux, sur le pouvoir de votre Dieu, sur la connexion ou les arcanes secrètes d'avec nos ancêtres. Par conséquent, le moindre mauvais acte, le moindre manque de respect sur ces lois-là peut entraîner des conséquences préjudiciables, des conséquences même vous entraînant à la mort. Et ce fut le cas de Onan, dont je vous ai parlé tout au début de ma vidéo, de cette vidéo, que Onan, n'ayant pas respecté cela, le fait qu'il ait joui de côté, il en a été frappé par la mort. Et les anges qui sont chargés de frapper, de donner, de causer la mort, étaient bel et bien à ses côtés. Donc, de nos jours également, cette pratique n'est pas recommandée. Pardonnez-moi d'avoir insisté sur la masturbation, parce que je sais que beaucoup de couples se privent les uns les autres en demandant à monsieur de ne pas jouir, en demandant à monsieur de porter des capotes. C'est des traumatismes. Bon, le type va vous faire plaisir pour l'accepter, mais mesdames, retenez bien que quand vous le faites, eh bien, ça ne fait que renforcer la relation de la femme de nuit de cet homme. C'est-à-dire que votre mari va maintenant avoir une relation beaucoup plus poussée vers sa femme de nuit, et s'il n'est pas un initié, s'il n'est pas très fort, ça va le pousser à aller dehors. Et c'est comme ça, à la fin, vous allez crier au scandale, alors que le problème pourrait être résolu si vous n'avez pas confiance, communiquer, si vous n'avez pas confiance, demandez-lui d'aller faire les examens, ou bien allez-y faire les examens des tests de sida, ou je ne sais pas quel examen, ensemble, en couple, afin de restaurer votre foyer dans la paix et l'harmonie. Ensuite, le manque de prière. Donc, le manque de prière veut dire que le fait de ne pas supplier votre femme de nuit ou mari de nuit, de faire ce rite-là un vendredi sur quatre, c'est-à-dire un vendredi par mois, il vous est recommandé de rentrer en communion avec votre mari ou femme de nuit. Il faut de temps en temps le faire. Dans nos villages, ça se fait. Dans les coins les plus reculés, ça se fait. Dans la plupart des traditions que j'ai consultées à gauche, à droite, ça se fait. C'est un moment intime. Une seule fois dans le mois, le premier vendredi en lune montante, veillez refaire le même rite tel que je vous l'ai enseigné. Vous vous asseyez, mais cette fois-ci, vous changez la prière. Cette prière consistera à dire des remerciements, de lui dire de continuer à pouvoir vous aider à maintenir votre foyer, de pouvoir vous aider à rester en harmonie avec vous et de pouvoir la supplier ou bien le supplier de ne pas se fâcher parce que vous êtes maintenant dans cette nouvelle relation. Donc, vous lui parlez comme si vous parlez à quelqu'un interposé. Je vous ai dit que c'est des esprits qui existent. La preuve en est que puisque vous les rêvez, et le fait que vous les rêvez, vous les voyez dans le plan métaphysique, dans le monde des tridimensionnels, ce sont des êtres qui ont été donnés par Dieu, Teta Mwanga. Et comme je l'ai dit ce matin, malheureusement, on a été interrompu, eh bien, pour ceux qui sont religieux, qui croient que la femme de nuit, le mari de nuit, ce sont des esprits démoniaques, je ne les en veux pas parce qu'ils ne savent pas qu'il y a trois formes de femmes ou trois formes de mari de nuit. Le premier dont je vous parle, c'est celui qui a été créé pour le bien de l'homme au début de la création du premier homme. L'homme ayant été créé la première fois, il lui avait été assigné sa femme, Ève. L'homme aussi, la femme aussi lui avait été assignée son mari, Adam. Donc, chacun de nous a son Adam. Pour les femmes, chacune de vous a son Adam spirituel. Et chaque homme aussi a sa femme, Ève, spirituelle. Et c'est cette femme-là qu'on appelle la femme de nuit ou bien le mari de nuit. Il ne vous veut aucun mal. Il est là justement comme un ange gardien. Les religions traditionnelles, orthodoxes et catholiques, on les appelle souvent des anges gardiens, les guides. Donc ces anges gardiens-là vont vous quitter au jour de votre mort. Ils vous ont été assignés le jour de votre naissance. Et parfois, ils vous aident dans beaucoup de problèmes de votre vie. Ça, c'est cette catégorie de femme de nuit ou mari de nuit que je viens ici vous parler. Parce qu'il y a un rite, comment rentrer en communion avec eux pour vous réconcilier avec eux. Après cette réconciliation, afin de maintenir votre foyer dans la paix, parce que si vous ne faites pas ce rite de réconciliation, il y a des ébullements dans votre foyer, il y a du feu dans votre foyer, des raisons, des palabres sans raison, vous pouvez rester calme, mais vous verrez que ça crée des problèmes, parce que ces créatures-là, spirituelles, que Teta Mwanga vous a donné au premier jour de la création, s'interposent ou se juxtaposent dans votre relation humaine. Maintenant, la deuxième catégorie de femmes de mari de nuit, ce sont des hommes. Et connaissant la métaphysique, c'est-à-dire la métaphysique, c'est la science qui consiste à étudier tous les phénomènes paranormaux. Par exemple, vous avez grandi au village, vous êtes des Africains, vous avez entendu parler de l'expression sortir en vampire. Sortir en vampire, c'est une expression qui est communément acceptée par toute la communauté africaine. Mais pour nous, dans le monde métaphysique, quand je dis pour nous, c'est-à-dire, moi j'ai étudié les sciences ésotériques, j'ai étudié le mysticisme depuis 1974, donc j'assiste à des séminaires, je participe à des séminaires mystiques et physiques interposés. Là, on nous expliquera que cette manière de faire, de ce qu'on appelle sortir à vampire, ça s'appelle en fait se dédoubler. Se dédoubler veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes doubles en nous. Nous sommes âme universelle miniaturisée, âme universelle microcosmique, puisque nous sommes le microcosme, et Theta Mwanga, dans sa réalisation universelle, est le macrocosme. C'est l'âme universelle. Mais l'âme universelle a également une âme individuelle. Et cette âme individuelle qui est en nous, selon les écrits sacrés, et comme les écrits sacrés nous disent que les dieux, les Elohim, ou Eloha, Theta Mwanga, créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc après que l'homme soit créé, il devint la ressemblance de Dieu. Mais cette ressemblance de Dieu, selon Genèse 1, chapitre 2, Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24, cette ressemblance de Dieu, c'est qui? Ben, c'est notre âme. C'est Dieu exprimé en nous. C'est l'étincelle dont les charlatans et les ngangas que vous allez voir à gauche et à droite vont vous dire que quelqu'un est en train de prendre votre étoile. Mais votre étoile que quelqu'un veut prendre, c'est quoi? Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est très puissant, mystiquement, spirituellement et très avancé, qui veut manipuler votre âme, votre âme. Et quand les gens sont en vampire pour venir vous attaquer, ils n'attaquent pas votre corps physique, mais ils attaquent votre âme. Pardonnez-moi. Donc, ils attaquent votre âme ou votre être divin. Donc, cet être divin qui est en vous, dont le corps physique n'est que le sarcophage, n'est que la représentabilité matérielle qui vous permet d'évoluer dans ce monde physique et d'apprécier les délices de la vie, tels que le sexe, la nourriture, le vin ou tout ce que vous voulez, le sport. Et ça, ce n'est que le corps physique. Mais ces appréciabilités, plutôt cette manière d'apprécier la vie, est exprimée depuis votre corps divin. Mais pour faire vivre votre corps physique, c'est ça dont le corps physique a besoin. Le corps physique a besoin de quatre éléments, air, feu, terre, eau, et a besoin également de cinq règnes. Le règne minéral, vous porterez des bijoux, vous porterez des bijoux, ça fait partie du règne minéral, ou encore ceci, les bagues, ça c'est le règne minéral. Et il y a également le règne végétal. Vous avez besoin du règne végétal pour vous nourrir. Par exemple, nous qui sommes végétariens, il faut manger beaucoup de légumes, il faut retrouver l'harmonie en vous pour être en bonne santé. Pour nous qui faisons l'onganguisme, quand vous êtes un ganga, c'est-à-dire celui qui maîtrise les plantes, avec ces plantes, vous pouvez venir au secours de l'humanité. Et aujourd'hui, les compagnies pharmaceutiques ne peuvent pas me dire le contraire, car tous les produits pharmaceutiques sont à 80% à base du règne végétal et 10% du règne animal ou des poissons. Donc, ensuite, nous avons le règne animal. Dans le règne animal, ce n'est pas mauvais de manger certaines viandes. Par exemple, les viandes blanches sont recommandées parce que... recommandé par les écrits sacrés, le Coran et la Bible, ça s'appelle les viandes halal. Ces viandes halal, ce sont des viandes qui rentrent dans la lignée de la respectabilité des conditions que Theta Mwanga a données à un homme qu'on appelait Noé, lorsqu'il sortit de son arche, de désormais manger une certaine catégorie de poissons et de viandes. Et c'est ainsi que donc le règne animal, dans un cadre bien précis et choisi, peut vous aider également à vivre mieux. Ensuite, vous avez le règne humain. Dans le règne humain, ben, c'est bon d'avoir une femme ou un mari à côté. C'est bon d'avoir des enfants pour une meilleure reproductibilité. La reproduction consistera d'avoir ses enfants et des petits-enfants. Cela crée le bonheur. Et ensuite, il faut vivre dans une harmonie parfaite. Ensuite, nous avons donc le règne divin. Le règne divin, c'est qui? Il est très beau pour vous, non seulement de communiquer avec votre mari de nuit et femme de nuit, parce qu'il fait partie du monde invisible, mais de communiquer également avec les anges, de communiquer avec vos ancêtres, de communiquer même si possible avec les démons. Cela va paraître choquant pour nos amis religieux, pardonnez-moi, mais je vous l'ai toujours dit que lorsque vous vous mettez à prier, Nzemba Tanzambe n'est pas là pour répondre à vos prières. Sinon, ce serait du mensonge. Je sais que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6, où il déclarera que celui qui croit en Dieu, en réalité, ne le prie plus, mais qu'il croit qu'il ait déjà reçu ce qu'il veut, qu'il considère que Dieu est le rémunérateur de ses besoins. En d'autres termes, vous vous mettez dans une position d'expectabilité, de réceptabilité, et dans tout en reconnaissant que Dieu, Teta Mwanga, vous avez déjà tout donné depuis le début de la création. Et qu'il y a un esprit malin que le nom que les religions ont nommé Satan le diable, c'est celui-là que Teta Mwanga a donné toute autorité et tout pouvoir selon le livre de Genèse chapitre 2. Après que le premier couple soit chassé du jardin et que l'archange est devenu, selon le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18 et le chapitre 19, qu'on nous décrit que cet archange-là ou chérubin, qu'on appela plus tard le diable, était l'ange le plus beau ayant toutes les richesses du monde et de la terre, lequel offrit ces richesses-là à celui qu'on appelle Yahshua ou Jésus chez les chrétiens, aux Russes chez nous. Et c'est ainsi que Russe ou Jésus dira, non, moi je ne peux pas accepter cela. Il n'a pas dit que non, l'or et l'argent, ce n'est pas toi qui les gardes. Lisez le livre d'Ézéchiel chapitre 18, ça va vous donner des révélations troublantes pour vous dire que le diable, celui que vous appelez le diable, c'est-à-dire les esprits des ténèbres, ceux qui ont été chassés par Teta Mwanga, qui avait créé le déluge universel lorsque le continent Terre était un seul nom dispersé avec sept continents. Mais à l'époque, nous avions qu'un seul continent qu'on appelle le continent Atlantide. Mais ce continent Atlantide avait connu une disparition, une dispersion, une brutale destruction à cause justement des rapports inappropriés entre les messagers de Dieu ou les anges ou les dieux qui vinrent s'intéresser aux femmes sur terre et avoir des rapports sexuels inappropriés, ayant ainsi des enfants qui devinrent ce qu'on appelle des filles, mais des enfants de grande taille qu'on retrouve jusqu'aujourd'hui. Donc, dans ces relations macabres, n'est-ce pas, ça nous a amené à pouvoir comprendre que nous devons vivre en harmonie avec ces principes-là. Je vous ai donc dit que le sixième commandement donc était le manque de prière. Voilà pourquoi j'ai amené tout ce développement-là. Si vous ne priez pas votre femme de nuit ou votre mari de nuit, eh bien, ça va la ramener. Et ensuite, avoir des relations avec le même sexe, c'est-à-dire un homme avec un homme, une femme avec une femme. Cela également va renforcer le retour de votre femme ou mari de nuit. Pourquoi? Mais justement parce que votre mari de nuit qui est né avec vous est là, vous êtes femme, l'homme également, vous êtes né avec votre femme de nuit, mais maintenant, à un moment donné, si vous intéressez tellement aux femmes comme vous, ça veut dire que ça va donner le pouvoir à votre mari de nuit qui est en vous. Voilà pourquoi en science, j'ai donné un enseignement dessus où j'expliquais que l'homme, comment on appelle ça? C'est pas la duplicité. C'est un enseignement, il y a une vidéo, la veillez la vérifier. Là où je donne la raison pour laquelle on ne veut pas trop condamner les homosexuels. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons cette dualité. Voilà, c'est le terme. En nous, nous avons cette dualité. Et que Teta Mwanga, dans sa science, il a donc prévu en nous le yin et le yang. Adam et Ève est en nous. Mais maintenant, les gens qui vivent de manière équilibrée et qui ont la force de créer cette harmonie font en sorte que parfois le yin prédomine, parfois le yang prédomine, mais vous faites tout pour que ce soit maintenu. Mais chez certaines personnes, c'est Ève qui domine. Et quand Ève domine en vous, si vous êtes un homme, eh bien, en ce moment, vous aurez cette tendance de devenir un homosexuel. Parce que l'hormone féminin qui est en vous, cette hormone féminin que moi j'appelle Ève, va pouvoir créer des tendances féminines en vous. Et ce qui fait qu'il y a certains hommes par inadvertance, malheureusement, vont poursuivre cette tendance-là. Mais pour nous, en tant qu'initiés, non seulement il y a cette vérité scientifique, biologique, qui explique que cet équilibre ou ce déséquilibre hormonal va entraîner donc, du coup, une surjuxtaposition de votre mari de nuit, dont ces hormones masculines vont maintenant influencer vos hormones féminines. Et c'est ainsi que vous aurez cette tendance à devenir une femme lesbienne. Mais si, par contre, vous êtes un peu équilibré et que vous luttez, vous aurez cette tendance d'aller à la fois avec les femmes et avec les hommes. Donc, le même phénomène s'applique chez l'homme. Il y a l'homme également en lui, sa femme Ève. Mais cette femme Ève, donc, ce qu'on appelle en science scientifique, la vraie science, pas la science abstraite, mais la vraie science concrète, en biologie, Donc, cette dualité-là qui est en nous, c'est une dualité non contradictoire, c'est plutôt une dualité harmonieuse. Et cette dualité harmonieuse consiste donc pour vous d'avoir ce qu'on appelle le self-control. Et ce self-control, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Donc, cette maîtrise fera en sorte que lorsque vous aurez cette tendance-là à vouloir vous tourner vers les hommes comme vous, alors vous vous maîtrisez, vous direz, mais non, mais ce n'est pas possible. Alors, invoquez votre mari de nuit ou votre femme de nuit. Parce que si vous ne le faites pas, l'homme qui est animé par cet esprit tendancier, l'esprit de pouvoir aller vers les hommes comme lui, n'est-ce pas, va être donc influencé par sa femme de nuit. Et cette femme de nuit, Ève, donc va s'exposer, va intensifier ce désir-là, ce qui fait que maintenant, vous, en tant qu'homme, vous êtes désormais possédé par la force féminine. Vous êtes possédé, ou encore il y a une ébullition biologique de ce qu'on appelle l'hormone féminine. Votre hormone féminine va maintenant, on dit une hormone ou un hormone, je ne sais pas, une hormone je crois, votre hormone féminine va maintenant créer des ébullitions en vous. Et quand ça crée ces ébullitions en vous, ça vous donne des appétits de vouloir se faire prendre à un homme comme vous. Ça vous donne des appétits de pouvoir aller faire à un autre homme comme vous. Ça vous donne des appétits de pouvoir aller avoir des rapports avec une femme par le côté où elle dégage les excréments, ainsi de suite. Donc cette tendance est une ébullition biologique double de votre, comment dirais-je, de votre femme de nuit, Ève, qui est en vous. Parce que tout est, comme je l'ai dit dans mes propos d'introduction, Ève et Adam est en tout un chacun. Donc ce qui fait que avoir les rapports, donc, intimes avec un sexe, du même sexe, avec un être du même sexe, contribue effectivement d'abord dans le plan métaphysique et spirituel, et selon notre tradition africaine, va donc attirer votre mari ou votre femme de nuit. Si c'est la femme, ben vous verrez que vous aurez la tendance de pouvoir aimer les femmes comme vous. Mais qu'est-ce qui vous fait aimer les femmes comme vous alors que vous avez des seins, alors que vous avez les parties génitales d'une femme? Mais c'est simplement l'interposition juxtaposive de votre mari de nuit. Votre mari de nuit, donc, va pouvoir mieux rentrer en vous. Donc, ça va créer ce déséquilibre hormonal et finalement, les hormones masculines vont vous influencer. Ici, aux États-Unis, je ne connais pas les autres pays, ici, aux États-Unis, il y a des hormones qu'on peut vous injecter. Par exemple, pour les hommes qui veulent devenir femmes, on leur injecterait des hormones féminines à chaque fois et vous verrez que les seins vont commencer à gonfler et vous verrez que le corps va commencer à devenir souple, vous verrez que dans la manière de parler, le gestuel et tout, tout va devenir efféminisé. Et la même chose pour la femme, tout va devenir masculinalisé. Pardonnez-moi si le terme n'existe pas en français. Maintenant, la femme, elle va commencer à faire des histoires de soulever les poids, elle va commencer à faire des choses impossibles, elle va commencer à faire disparaître ses seins, elle va commencer, bref, c'est trop profond, je ne veux pas. C'est l'objet d'un autre enseignement que j'ai déjà fait, et si vous voulez, je pourrais le faire, le phénomène des femmes qui s'attirent. Maintenant, donc, je le répète, ça c'est la règle numéro 7, éviter d'avoir des rapports avec le même sexe, car cela contribue à la présence et ça renforce la relation latérale avec votre mari ou femme de nuit. Règle numéro 8, il faut éviter de tourner le dos à votre femme ou de tourner le dos à votre mari. Donc, ça va dans les deux sens. Car si vous le faites sciemment, cela va toujours dans le plan invisible favoriser un retour immédiat et interposition de votre femme de nuit ou mari de nuit. Si vous tournez le dos donc à votre mari, eh bien, sachez-le que la femme de nuit de votre mari dira, mais comment, ils ont fait le rite d'appel pour moi, maintenant je constate que cette femme-là, elle tourne tout le temps le dos à mon mari, eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème, moi je m'interpose. Et c'est ainsi que la femme de nuit, à cause de vous, comportement de la femme réelle, la femme physique, que vous tournez, quand vous tournez le dos à votre mari, donc cette femme de nuit-là va maintenant revenir vers votre mari. Et vous verrez que votre mari maintenant aura une tendance à pouvoir vous détester, aura une tendance désormais à se masturber, aura une tendance peut-être outrancière, aller même plus loin, à commencer à voir les femmes dehors. C'est le fait que vous lui tournez le dos. Donc évitez cela. La même chose pour l'homme. Dès que l'homme prend cette tendance de toujours tourner volontairement le dos à sa femme, alors la dame de la femme, donc le mari de nuit de la femme, va alors se dire, mais tiens Marguerite, toi, ton mari, là, vous m'avez supplié, tu m'as supplié la dernière fois que non, je dois me réconcilier hein, avec la femme de ton mari, je dois me réconcilier avec toi, avec lui, mais maintenant, il te tourne le dos. Ça veut dire quoi, cette affaire-là? Alors, moi, je vais revenir vers toi. Ce n'est pas normal. Donc, c'est ainsi que pour vous, la femme, votre mari va commencer à s'interposer le fait que votre mari propre physique, M. Obiang, qui vous a épousé et doté, vous tourne tout le temps le dos. Eh bien, voilà maintenant votre mari de nuit, la dame spirituelle qui est en vous, le yin et le yang qui est en vous, va finalement s'interposer pour pouvoir vous revenir à vous. Et quand ceci va se manifester, naturellement, cela va avoir du point de vue psychologique ce qu'on appelle en anglais un moody behavior. Le moody behavior veut dire que vous aurez maintenant des humeurs bizarres, des humeurs comportementales qui vont être peut-être inexplicables et même incompris par votre mari. Ces humeurs incompréhensibles veut dire que à un moment donné, vous commencerez maintenant à contacter vos collègues de travail qui sont hommes, vous commencerez maintenant à vouloir parler avec des hommes même si vous n'aviez pas l'habitude, vous commencerez maintenant à avoir cette tendance d'aller prendre des godibichets, c'est-à-dire les sexes machines là qu'on achète dans les magasins des adultes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des moody behavior. Donc, ce moody behavior-là, qui n'est autre que la résultante simplement du fait que votre mari vous tourne le dos, sans explication, sans communication, eh bien, alors votre mari de nuit va vous pousser donc d'avoir ce comportement bizarre. Et ensuite, règle numéro 9, il faut éviter les disputes. Car les disputes entraînent également le retour immédiat et sans condition de votre femme de nuit et de votre mari de nuit. Les disputes, c'est, je le répète, ces disputes, ça ne veut pas dire que parce que vous avez invoqué votre mari de nuit ou votre femme de nuit, qu'il n'y aura pas de petits problèmes. Mais ces petits problèmes qui sont petits, mais qui peuvent devenir graves, si l'un d'entre vous ne laisse pas tomber ces disputes-là, les discussions vont devenir des disputes. Et ces disputes vont devenir la guerre. Eh bien, sur ce, donc, votre mari de nuit et votre femme de nuit va être là et va s'interposer. Sachez-le que quand vous faites le rite de femme de nuit ou de mari de nuit que je vous ai démontré, la femme de nuit ou le mari de nuit ne va pas fuir loin de vous. Hein. Au contraire, ça va les rendre très jaloux. Ils vont commencer à observer la moindre faille, la moindre faiblesse dans votre milieu comportemental de tous les 10 éléments que je suis en train de mentionner parce que je ne suis qu'un élément numéro 9, une dispute. Donc, votre mari de nuit ou votre femme de nuit va observer votre comportement au quotidien parce que vous avez fait le rite de réconciliation. C'est afin de l'écarter de votre relation. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez plus de lui. Je vous ai dit qu'il y a un deuxième rite. Et je me ferai le plaisir de partager ça avec vous de manière théorique. Mais j'évite de le faire parce que normalement, c'est de manière pratique. D'où ma proposition de faire des séminaires auprès de vous. Si le pays, le Gabon, se stabilise, à mes amis du Congo, je n'ai pas de problème. Hein. J'ai un visa congolais, j'ai un visa ghanéen, un visa sénégalais. Je n'ai pas de problème. Mais au niveau du Gabon, là, j'ai un problème à cause des histoires politiques. Mais si la stabilité se rétablissait, je vous dis, je peux vous faire des séminaires là-dessus. Comment vous pouvez faire en sorte que votre femme de nuit ou votre mari de nuit soit désormais à vos services, puisse satisfaire vos besognes ou vos besoins quotidiens. Alors, disais-je, les disputes, donc, est l'un des dégâts que vous devez éviter parce que cela contribue à, au retour de votre mari de nuit ou de votre femme de nuit. Et enfin, règle numéro 10, puisque je vous ai dit, il y a 10 commandements. Le 10e commandement est que le non-respect des 7 piliers d'une relation durable. Je vous avais promis, cette vidéo a été enlevée. Je le répète, elle a été enlevée. Pourquoi? Parce que le fond de musique qui avait été mis dans cette vidéo-là, l'auteur de cette chanson, de cette musique, c'est des Américains. Ici, là, vous ne pouvez pas, à moins que vous preniez le téléphone. Bon, oh, Beyoncé, oui, bonjour Beyoncé. Ah, s'il te plaît, j'aimerais utiliser ta musique-là pour pouvoir faire mon show. Est-ce que tu m'autorises? Bon, d'accord, bon, mais toi, c'est qui? Oh, ben moi, c'est tel. Bon, attends, ben, il faut parler avec mon directeur chargé de mes histoires, des machins. Et vous parlez avec ce directeur, vous se lui dit que non, vraiment, moi, j'ai pas de moyens, mais j'aime bien la musique, là, je me la fais passer. Donc, il faut suivre tout un protocole qui peut même durer un an ou deux ans. Des fois, il peut vous dire non, vous allez payer 10 millions. Vous vous en souvenez, la chanson de Michael Jackson, où il avait dit Makossa, la chanson du vieux Dibangu. Le vieux Dibangu du Cameroun était fâché. Michael Jackson était obligé de décaisser près de 10 millions de francs CFA ou 10 millions de dollars, je ne sais pas trop. Bref, c'est à cause de ça YouTube m'a dit pour la sécurité, ils vont m'y enlever. Il ne faut pas te mettre cette histoire-là. Mets ta musique de chez toi au Gabon là-bas. Là-bas, vous n'avez pas trop de palabres. Il suffit de t'entendre avec machin. Tu mets ton mungongo ou bien je mets la musique de ma soeur, maman Poussi. Ben, il n'y a pas de problème. On peut s'entendre. Mais avec les Américains, c'est compliqué. Donc voilà, du coup, l'enseignement sur les 7 piliers d'une relation durable avait été enlevé. C'est pour ça que vous constatez que vous cherchez beaucoup de femmes. Surtout nos mamans étaient très intéressées à cela. Et même nos frères, mais malheureusement, c'est parti. Mais je vous rassure que ça va revenir. Donc, le 10e commandement, c'est justement le manque de respect de recommandations ou de oui de 7 piliers. Mais ce qui sont ces 7 piliers? Je vous avais dit tantôt que la communication est le premier pilier de toute bonne relation durable. Car le manque de communication peut entraîner la dissolution et voire même la séparation et les divorces et tout le reste, si vous ne communiquez pas proprement. Et quand on parle de communication, ça ne veut pas dire que forcément le mari doit, la femme doit avoir un niveau universitaire, le mari doit avoir un niveau universitaire. Non. La communication ici veut dire tout simplement que vous pouvez parler en langue, vous pouvez parler en français, mais l'essentiel est que vous conjuguez dans le même sens, que vous vous compreniez les uns les autres. Et ensuite, je passe maintenant à l'étape numéro 2, qui est la compréhension. J'avais expliqué que dans une relation, si vous n'avez pas cette qualité qu'on appelle la compréhension, être un peu à peu près comme Dieu, parce que Dieu, lui, on l'offense tous les jours, hein, vraiment. Alléluia, alléluia, mais en temps, on appelle la pauvre femme, en tant que pasteur, après on va coucher avec elle. Alléluia, alléluia, on va prendre le pauvre petit, on va le péder, on est prêtre. Alors, si vraiment on avait cette compréhension que Dieu a, parce que Dieu, dans sa compréhension, ça veut dire que, bon, ben, écoutez, les êtres humains, là, moi, je les ai créés là, mais bon, ben, comme ils aiment trop les histoires de la chair, là, je ne sais pas pourquoi il a choisi de porter la grosse robe de prêtre, alors qu'il sait que pour être prêtre, là, moi, j'avais dit aux gens que quand vous êtes prêtre, mariez-vous. Allez-y lire le livre de Lévitique. La famille Lévi, de Lévite, là, ce sont des descendants directs des fils de Jacob, non? Jacob qui avait 12 fils. Job, hein, c'est Job ou Jacob? Jacob, voilà. Alors, mais les Lévi étaient chargés de la prêtrise. Quand on était prêtre, il fallait avoir une femme. Donc, Tétan Mwanga, dans son royaume céleste, dit, mais vraiment, les prêtres, là, moi, je ne les comprends pas. Ils sont en train de brûler là pour y aller. Allez-y, prendre votre marijuana ou bien coucher les femmes, faites la pédéstrastie. Mais aller péder aussi des enfants, ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne sont plus prêtres. Bref, donc, la compréhension ici, c'est d'essayer de comprendre les choses comme Dieu le comprend. Mais ce n'est pas facile parce que nous ne sommes pas Dieu. Ne vous est-il pas arrivé de dire que moi je ne suis pas Jésus, hein? Moi je vais pardonner jusqu'à l'éternité? Qui vous a dit ça? Si toi-même tu ne viens pas me demander pardon, toi tu veux que moi je continue toujours à te pardonner? C'est quoi cette affaire? Tu as fait la bêtise et tu veux que c'est moi qui te pardonne? C'est quoi? Toi tu dois venir demander pardon. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Mais c'est la vérité, nous sommes sur terre, nous sommes encore des humains. Même si vous êtes au 9e degré de votre incarnation, vous n'êtes pas encore arrivé au stade de Jésus. Même Jésus, je m'en souviens qu'il était fâché, non? Il est allé gifler les gens dans le machin. La Bible nous dit qu'il est allé taper les gens là-bas. Dans le temple, hein, il prit un fouet, il commençait à taper les gens n'importe comment. Ben, vous faites la maison de mon père, une maison de commerce. Souvenez-vous, il a piqué une colère. Bon, mais voyez, pourtant on dit que c'est l'enfant de Dieu, c'est le Dieu incarné, c'est même Dieu, déjà par certaines religions qui le traitent de Dieu. Bon, bref, et il y a d'autres cas. Le type, son ami là, Lazare qui était mort, quand la sœur lui dit que non, ton frère, ton ami Lazare est mort, oh, Jésus s'est mis... La Bible nous rapporte qu'il s'est mis en sanglot. Bon, mais maintenant, vous prenez le mot sanglot. Si vous prenez le dictionnaire, sanglot veut dire « Oyo, maman !» Oyo, comme nos mamans de Chibanga font chez nous au Gabon. « Maman, tâte-moi, yo, yo, yo, yo !» Il s'est tapé le corps. Donc, même pourtant, c'est Jésus, hein, qui qu'on dit qu'il est Dieu. Donc, c'est pour vous dire que la compréhension, c'est très important. Et ensuite, je vous ai parlé d'éviter ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil entraîne beaucoup de problèmes dans les foyers, dans la vie des gens. Hein? Parce que si vous n'avez pas une bonne communication, si vous n'avez pas un esprit de compréhension, compréhension veut dire, bon voilà, moi, ma femme, là, n'a pas beaucoup appris, ou bien mon mari n'a pas beaucoup appris, mais je ne dois pas quand même parce que moi, j'ai 2 doctorats et que je vais prendre mon mari pour un yakoué maintenant. Non, il doit être toujours le chef dans le foyer. Ça, c'est la compréhension, hein, et c'est très important. Et l'orgueil également, je disais que ce n'est pas bon. C'est l'orgueil qui empêche les gens de se réconcilier. C'est l'orgueil qui entraîne les gens de pouvoir souffrir et puis ils sont les premiers à accuser l'autre. Non, mais c'est à cause de ton orgueil parce que tu ne veux pas reconnaître le tort que tu as créé à l'autre, que tu as causé à l'autre. Hein? Tu es là, tu as offensé l'autre. Mais qu'est-ce qui te coûte? Ce n'est pas parce que l'autre t'a tellement fait du mal que toi, la seule fois que tu fais le mal, dans ta tête, tu as oublié que c'est toi qui es fautive ou bien fautif. Vous comprenez? Dans votre relation, il y a peut-être l'un d'entre vous qui a tellement fait du mal à l'autre. Mais malheureusement, c'est un seul qui, une seule faute que l'autre a fait, ça te fait disjoncter maintenant ton cerveau, ça te fait disjoncter même ton esprit de réflexion, de perdre même le sens de l'analyse, comme on dit en français, le sens analytique. Et vous pouvez perdre votre raison pour finalement rester dans cet erreur. En tout cas, moi, je suis la fille de papa. Hein. Ce n'est pas moi qui vais faire le premier pas. Ah ben oui, continue à dire tu es la fille de papa. Hein, parce que le type, lui, il fait les calculs. Hein? Il fait les calculs. Quand il fait ces calculs-là maintenant, bon, écoutez, moi, je crois que je connais une fille là qui s'appelle Marguerite. Moi, je crois que y a maman Célio-là, ou bien il y a maman Henriette là que je vois là tous les jours sur métaux là. Bon, moi, je vais essayer un peu de l'appeler. Est-ce que toi, tu es célibataire, maman? Oui. Vous faites maintenant beaucoup des idées bizarres dans la tête à cause de votre orgueil. Maintenant, je disais, il me faut éviter également de revenir dans le passé. Malheureusement, ça, c'est la règle numéro, je crois, le cinquième commandement. Dans ce cinquième commandement, je vous avais dit, évitez de toujours revenir dans le passé. Laissez le passé au passé. Mais si à chaque fois vous allez rappeler à votre femme que toi là, quand je t'ai connu, tu étais une prostituée, non? Toi là, tu étais là-bas en Temetios, tu faisais la prostitution, on te voyait en Kembo. Mais qu'est-ce que tu as foutre de tout ça? Tu as décidé de l'épouser. Prends la main dans la maison. Oh, mais toi là, tu étais une bordelle. On t'avait pris au Yobo là-bas à Capo. Oh, mais qu'est-ce que tu as t'occupé de ces histoires? La femme même aura peur de te confier désormais ses problèmes. Parce que elle t'a dit que non, moi, quand j'étais jeune, hein, j'aimais seulement me faire prendre au Yobo là-bas avec les jeunes étudiants. On allait prendre les kobolos. On était dans le sous l'effet des chanvres. Et puis on prenait nos regabes. Mais toi, au lieu de garder ça pour toi, moindre dispute, tu vas amener ce passé-là. Non, s'il vous plaît. Et c'est la même chose pour madame, toi aussi. Toi, l'homme, le mari, ben, vous avez vécu ensemble parce qu'il a fait la vie de bourou-bourou. Il avait les copines à gauche, à droite. Il y a de cela 20 ans ou 30 ans. Le type, il est maintenant vieux, il a 60 ans. Et tu continues toujours à lui rappeler. Oui, toi, là, il y a 20 ans, toi, tu avais une copine là-bas. C'est tu me faisais toujours frire. Toi, là, tu m'avais giflé. Ceci, cela. Écoutez, laissez le passé au passé parce que si vous ramenez ce passé au présent, vous verrez que vous allez détruire votre relation et vous verrez que votre mari de nuit ou votre femme de nuit va revenir. Vous comprenez bien. Et ensuite, règle numéro 6. Bon, je crois que j'ai parlé de ça. Règle numéro 7, là, c'est quoi? L'orgueil. Bon, j'ai parlé de l'orgueil déjà. Oui. Et maintenant, règle numéro 7, il faut spiritualiser votre relation. Hein? Oh, ça, c'est encore qui, Lucie, maman? Bah, dit, ah, bon, moi, tu m'as connu à Gamba. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, maman, de me suivre depuis Gamba. Oh. Et, la spiritualité. Donc, il faut spiritualiser votre relation. Si vous ne spiritualisez pas votre relation, eh bien, c'est dommage. Spiritualiser la relation veut dire quoi? Bon, maintenant, là, toi, maman, tu es devenue, alléluia, tu es devenue maintenant membre de l'église, qu'on appelle l'église de Lazare du 7e ciel. Oh, yo, le pasteur congolais, là, m'a dit que son église est Lazare du 7e ciel. Oh, alléluia, alléluia. Bon, toi, tu pars là-bas, et ton mari, lui, il est dans ses histoires de méditation. Ton mari aime suivre M. Moréon Oubier dans ses enseignements. Maintenant, tu arrives à la maison, le pauvre, il est là en train de suivre le show. J'ai dit, hein, Antoine, oui, maman. Même pas un bonsoir, hein. Mais j'ai dit, toi, tu es en train de suivre qui? Tu es en train de suivre le diable, là, hein? Tu es en train de suivre les conneries qu'il fait. Mais moi, je ne peux plus accepter ça, hein, parce que si ça continue comme ça, je crois qu'on va divorcer. Oh, maman, toi aussi. Le pauvre Antoine est en train de suivre les enseignements de M. Moiré. M. Moiré a dit que, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, toute connaissance qui vous est transposée, toute connaissance qui vous est apportée par M. Moiré ou bien par qui que ce soit, vous devez faire ce qu'on appelle le scruter. Scruter veut dire examiner attentivement ce que la personne vous dit. Mais une fois vous analysez ce que le type vous dit, une fois vous écoutez ce que M. Moréon vous dit, mais si ça vous plaît, mais vous gardez et c'est bon pour votre évolution et vous allez appliquer ça dans votre vie. Mais maintenant, si ce qu'il vous dit n'est pas bon, qu'est-ce qui vous oblige d'accepter ça? Mais vous rejetez. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Chez les musulmans, dans le livre qu'on appelle Al-Mustarafat. Dans le livre d'Al-Mustarafat, dans le Coran, il est dit dans la conduite quotidienne d'un vrai musulman, il est dit que bon, nous, les connaissances qu'on vient vous apporter là, ce sont des connaissances qui ont été testées, approuvées et qui ont été amenées par les anges de Dieu, les djinns. Et par conséquent, tout ce que nous vous disons ne vient pas de nous, mais vous devez l'accepter et c'est à vous de les prendre pour votre bien ou bien pour votre malheur. Voilà, même tous les livres tombent d'accord avec ça. C'est dire que si vous devez spiritualiser votre relation, maman, toi, tu vas à l'église de Saint-Lézard, là-bas, chez le pasteur congolais. Ton mari, lui, il est dans ses affaires, peut-être que c'est un maçon. Évite de trop crier le feu sur lui. Feu sur toi. Mais c'est ton mari. Qu'est-ce que tu as appelé le feu sur ton mari? C'est combat. Est-ce qu'il t'a mangé? Est-ce qu'il a mangé tes enfants? Est-ce qu'il a tué quelqu'un? À cause du Congo, ça, déjà. Parce que on vous dit dans le Congo, ça, que non, dès que quelqu'un devient spiritualiste, il amène les démons. Il amène démoniaque. Dès que quelqu'un suit la tradition, oh, ce n'est pas ça. Mais vous savez que la religion des Blancs, là, c'est celle qui est venue faire le lavage du cerveau. Allez-y me suivre les enseignements sur la différence entre la religion spirituelle et la religion des Blancs. Vous allez bien comprendre de quoi je parle. Donc, le mari, c'est la même chose. Toi, tu es maintenant pasteur. Si tu es pasteur, est-ce que c'est une raison pour toi de venir attaquer Maman Marguerite qui aime venir suivre les enseignements de M. Mouret Onoubi? Maman Marguerite est en train de suivre les enseignements sur la femme de nuit et le mari de nuit parce que justement, toi qui es pasteur, là, toi, tu dis, oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ, ça ne va pas dans votre foyer. Tu es trop autoritaire, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on s'est rendu compte à travers les enseignements de M. Mouret Onoubi, c'est parce que toi, ta femme de nuit, là, est en train d'emmerder Maman Marguerite. Mais tu ne veux pas l'admettre. Oh non, ça, c'est les démons, ça, c'est les démons. Voilà. Toi, mon frère qui est pasteur, arrête de persécuter ta femme parce qu'elle est rosicrucienne, parce qu'elle suit les enseignements traditionnels, parce qu'elle a décidé de retourner à la source. Mon frère, évitez de faire cela. Donc, spiritualiser votre relation veut dire quoi? Vous devez vous accepter les uns les autres. C'était un avantage, comme Osiris et Isis, nos dieux d'Égypte, étaient tous animés par le même esprit, étaient tous en diapason direct avec Theta Mwanga, influencés par le même fluide mystique, c'est-à-dire connectés sur les arcanes secrètes de Theta Mwanga, d'Ibanga Banga, tous recevaient le même enseignement, ils faisaient les rites ensemble, la femme prononçait les sons, le mari faisait le gestuel, et quand le mari balançait le son, la femme faisait le gestuel, et c'est ainsi dans une harmonie parfaite, leur relation durait pour l'éternité et dans l'au-delà de l'au-delà, jusqu'à l'immortalité. Mais ça veut dire quoi? Il faut donc spiritualiser votre foyer. En d'autres termes, vous devez vous accepter les uns les autres. Si le mari est musulman, la femme est chrétienne. Moi, ma tante, elle est de même. Ma tante, elle est témoin de Jéhovah. Son mari est musulman. Et aujourd'hui, ils sont là-bas, chose, quel est le pays là-même? Au Mali. Ils vivent bien. Voyez-vous, ça fait plus de 30 ans où ils vivent comme ça. Peut-être 40 ans même, si je n'exagère pas. Le mari est musulman et la femme est témoin de Jéhovah. Il n'y a pas de problème. La femme, elle observe les lois des témoins de Jéhovah. Il faut se soumettre au mari. On ne peut pas juger le mari sur la base de la religion. On ne peut pas juger sa femme sur la base de la religion, sur ses croyances. Nous devons donc respecter ces principes de spiritualisation dans nos relations. Donc, pardonnez-moi, j'ai trop développé ça, mais c'est cet enseignement-là que je vais revenir vous en parler. Malheureusement, qui a été enlevé sur YouTube. Donc, ça s'appelle les 7 piliers d'une relation durable. Donc, ces 7 piliers d'une relation durable, hein? Si vous ne les appliquez pas dans votre relation présente, c'est le 10e commandement, vous verrez que vous allez favoriser le retour immédiat de la femme ou du mari de nuit. Voilà, je vous remercie. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Faites très attention. Évitez ces comportements-là. Vous comprenez? Évitez. Il faut éviter les comportements-là, tels que j'ai décrit haut. Ça, c'est moi-même. Hein. Ce sont les maîtres qui m'ont parlé depuis ma chaîne. Donc, profitez-en, s'il vous plaît. Veuillez recevoir cette vidéo à tête reposée. Et que Theta Mwanga vous bénisse dans le progrès de votre intérêt sur Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana. Parce que Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana, c'est là où on vient donner les enseignements. Vous comprenez? Oh, quelqu'un m'a envoyé. Bon, pardon, je crois que j'ai commis une erreur sur mon email. Oh, je n'ai plus. Ce n'est pas Gmail, c'est plutôt yahoo.com. Vous savez, j'avais le sommeil, hein? Je venais de mon deuxième boulot. Donc, comment on appelle? Mon email, c'est onouviedoronga1962@yahoo.com. Pardonnez-moi, j'avais le sommeil. Oh, n'écrivez pas, il ne faut pas envoyer ça à Gmail. Gmail, ça, c'est mon machin, mon adresse professionnelle. Donc, je répète, onouviedoronga1962@yahoo.com. Donc, onouviedoronga 1962@yahoo.com. Onouviedoronga 1962. C'est ça. Onouviedoronga 1962@yahoo.com. Voilà mon adresse email. Si vous voulez m'adresser des courriers mais privés. Pas privés. C'est même là-dedans où les gens, quand je fais des travaux, m'envoie les informations de Western ou de MoneyGram, tout ça, là, ou bien des questions personnelles. Donc, je vous remercie beaucoup, hein, vraiment. Je ne m'y attendais pas qu'il y aura autant de monde pour venir me suivre. Donc, voilà succinctement ce que je voulais partager avec vous sur cette affaire-là, des choses qu'il faut éviter de faire quand vous avez, quand vous avez déjà fait la réconciliation avec votre, avec votre femme de nuit ou le mari de nuit. Faut respecter ça, pardon. Que cette vidéo-là soit vraiment très bien conservée. Et puis, si possible, vous devez étudier. Il faut étudier cette vidéo-là. Il faut étudier ça. C'est très, très, très important. Donc, je vous remercie beaucoup. Nous allons conclure n'est-ce pas, notre live, et que je remercie beaucoup les dieux parce que ils n'ont pas cette fois-ci, qu'est-ce que je cherche même? Oh, pardon. Ils n'ont pas cette fois-ci perturbé notre live. Merci beaucoup à Teta Mwanga. Merci beaucoup à Teta Mwanga. Et merci beaucoup au Dieu suprême, les archanges, les génies, les machins, les ancêtres. Bon, je vais répondre à cette question sur les Néphilim prochainement. Je vais faire un enseignement. Merci. Je ferai un enseignement sur les Néphilim. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci encore. Merci. N'oubliez pas, quand je vous donne mon email, c'est là-dedans que vous pouvez me poser des questions. Parce que c'est parmi vos questions que je peux sélectionner pour pouvoir en faire un live ici. Comprenez? Parfois, au cours d'un enseignement comme celui-ci, il y a des réponses que je vais donner, mais ça peut faire l'objet d'un enseignement qui peut durer des semaines et des mois. Donc, c'est mieux, vous me les posez en privé, comme ça je réponds directement, par correspondance. Merci beaucoup, merci encore, merci. Merci de m'avoir suivi, merci. Que Teta Mwanga vous bénisse, merci, merci. Ok Lucie, merci. Pardonnez-moi, je vais bien relire votre email. Je vais lire ça. Je vous rassure que tout de suite, dès que j'ai fini, je vais lire ça. Ok? Je ne vous néglige pas, pardonnez-moi. Je vais lire. Et posez-moi cette question-là dans votre email également. La question que vous posez là sur la relation. Merci beaucoup, chers frères et sœurs qui me suivaient à travers le monde. Merci beaucoup à mon peuple africain qui est dispersé ça et là, c'est-à-dire l'homme noir de la diaspora. L'homme noir de la diaspora veut dire nos frères noirs qui sont aux États-Unis d'Amérique, qui sont en Europe, qui sont dans les îles dispersées ça et là et même en Europe. Ces messages, ces enseignements de Teta Mwanga, Dibanga Banga, Teta Nzambe, Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana, ou encore Teta Mwanga, Dibanga Banga, le créateur des cieux et de la terre, ainsi nous l'appelons, c'est les enseignements. qui viennent tout droit des arcanes secrètes, qui viennent parfois même des gardiens du seuil, que vous appelez le seuil céleste, c'est-à-dire les gardiens du temple du savoir universel. Ce sont nos ancêtres, ce sont les esprits de l'au-delà. Selon l'appellation, chez les Occidentaux, on les appelle les maîtres invisibles. Ces maîtres invisibles, en notre 21e siècle, le 21e siècle qui est le siècle de l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère christique. C'est l'ère christique veut dire l'œil d'éveil des consciences, où toute race humaine, toute race à travers la planète doit se réveiller. Voilà pourquoi la technologie est en train d'avancer à une vitesse vertigineuse. On se retrouve avec des iPhones X10, bientôt on aura les X15 et toutes ces histoires-là. La technologie est en train d'avancer à une vitesse terrible. On a créé maintenant des femmes robotiques. Ces femmes robotiques qui coûtent entre 10 à 20 millions, c'est la femme réelle qu'on a créée, qui est capable de parler, qui est capable de faire tout ce qu'une femme normale doit faire, à l'exception qu'elle ne peut pas préparer pour vous. Mais c'est pour vous dire, la folie des hommes, qui est une folie positive et à la fois négative, positive parce qu'ils essaient de créer des choses afin de nous mettre à l'aise. Négative parce que ces choses parfois peuvent nous tuer. Et c'est ainsi que quelqu'un avait dit que le 21e, 22e, 22e siècle, d'ici l'an 2050, les machineries vont remplacer l'homme au point où l'homme va se faire détruire et tuer et il n'y aura plus le travail, il y aura le chômage. Mais c'est des signes précurseurs, bien très bientôt, des signes précurseurs qui nous indiquent très bientôt ce vieux système, un système qui est basé sur l'égoïsme, basé sur l'ignorance, basé sur des manipulations psychologiques et somatiques et voire même des phénomènes égrégoriques, c'est-à-dire la multiplication des religions bizarres, distraites, des religions scientifiques, des religions de ceci et de cela, pour éloigner l'homme de sa véritable origine. Voilà pourquoi les génies, les maîtres invisibles, les ancêtres ont touché beaucoup d'entre nous à travers le monde. Je ne suis pas le seul. Au Bénin, il y en a plusieurs. Au Cameroun, il y en a plusieurs. Au Burkina Faso, il y en a plusieurs. Chaque année, d'ailleurs, nous organisons des rencontres interplanétaires, c'est-à-dire intercontinentales, où tous les grands chamans, tous les prêtres, tous les initiés en émo, de toutes les sociétés secrètes, de toutes les religions spirituelles et traditionnelles africaines se retrouvent. La toute dernière, c'était en 2017, on s'était retrouvés du côté du Burkina. Je ne sais pas pour l'année 2019, on va se retrouver, mais ces retrouvailles ont pour objectif d'encourager surtout les jeunes générations et de pouvoir vous lancer ce flambeau, le flambeau des véritables connaissances, lequel flambeau avait été laissé depuis l'Égypte ancienne, l'Égypte noire, là où tout avait été transféré depuis l'Atlantide. Ces connaissances, donc, se meurent. Et elles se meurent au profit de programmations bizarres. Lesquelles programmations, comme je l'ai toujours dit, ce sont quoi les programmations, c'est quoi? C'est des dogmes, c'est des doctrines, c'est des idéologies, des philosophies qui sont tout à fait étrangères à la conscience collective africaine, qui sont tout à fait étrangères à la conscience universelle ancestrale, qui sont tout à fait étrangères à notre cordon ombilical ancestral. Donc, nous, sensibilisateurs de conscience, éveilleurs de conscience, non seulement de conscience dans le sens propre, mais conscience également dans le sens spirituel. Donc, moi, personnellement, je viens ici, et la création de Teta Mwanga, pour ne pas dire de Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana, c'est pour pouvoir justement éveiller les consciences des gens, pour leur amener au retour aux sources. Le retour aux sources veut dire que vous ne pouvez pas automatiquement, du revers de la main, jeter vos religions. Gardez vos religions telles qu'elles sont. C'est pour cela que j'ai encouragé ce qu'on appelle l'esprit syncrétique. L'esprit syncrétique veut dire tout simplement le syncrétisme. Et qu'est-ce que c'est le syncrétisme? C'est que les religions que vous apparteniez déjà, religions chrétiennes, là maintenant vous ne pouvez plus vous en débarrasser de Jésus, que vous ne connaissez même pas très bien, qu'on vous a fait écrire sur le papier, on l'a dessiné, il est blanc, alors qu'il n'a jamais été blanc. Toutes ces histoires-là, ou l'islam et tout ça-là, veillez prendre ce qui est bon. Ce qui est bon pour vous, vous gardez. Si vous pensez que ça peut vous aider dans votre vie, c'est bon, gardez ça. Mais également, de l'autre côté, n'oubliez pas que vous êtes noir, vous êtes africain, vous avez vos traditions. Et souvenez-vous du discours du 14 novembre 1883. 1883, il y a eu un discours très puissant qui avait été lancé à Berlin, en Allemagne, par le groupe qui représentait tout le clergé. C'est-à-dire, le clergé veut dire que les religieux, donc les prêtres, les pasteurs, et les musulmans, les imams et tout ce monde-là, ils se sont donc retrouvés autour de cet homme-là qu'on appelle Léopold II. Léopold II qui était le roi belge. C'était lui qui avait présidé la grande réunion de 1883 d'abord, afin de venir créer ce qu'on appelle un lavage de cerveau de tous les Africains sur la planète Terre. en amenant les Bibles, alors, dans l'ordre de cette déclaration, allez-y me suivre. Cette vidéo que je continue toujours à encourager les gens de suivre, quelle est la différence entre la religion spirituelle et la religion occidentale et orientale? Là-dedans, vous allez écouter ce discours, oh combien odieux, oh combien poli, pour reconnaître que l'homme noir a toujours adoré Dieu. L'homme noir connaît qui est Dieu. L'homme noir connaît les principes immuables de fonctionnalité de l'univers et la mise en application de ces principes dont l'ignorant appelle la magie. Vous comprenez? Les Blancs le savaient. Et maintenant, au mois de juin 1885, vous savez la décision bizarre qu'ils ont prise ce jour, accompagnés de trois frères qui venaient des États-Unis d'Amérique. Et j'ai retrouvé cette église, c'est-à-dire l'église luthérienne. Et il y avait les représentants de France, les représentants de l'Espagne. Tous les pays du monde étaient là, sauf les gens de l'Asie. Ils se sont donc retrouvés en juin 1885. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé donc de disséquer l'Afrique. Disséquer veut dire diviser, trafiquer, créer des noms. Dire que toi tu es ici, toi tu es Gabon, toi tu es Congo, toi tu es Swaziland, toi tu es ici, Afrique du Sud, et ainsi de suite. Divisant notre pays continent Afrique, qui était un pays continent comme les États-Unis d'Amérique, le diviser pour leur propre profit. Mais ils ont d'abord envoyé en 1883. Les missionnaires avec des Bibles, armés jusqu'aux dents avec des Bibles et des documents appelés le catéchisme et tout ceci, cela, ou encore des brochures, lesquelles brochures venaient avec pour but de venir ici faire des lavages de cerveau à tous nos frères africains. Ce langage paraîtrait-il offensif, s'il paraît offensif, pardonnez-moi. Mon objectif n'est pas d'offenser quelqu'un. Mon objectif, dans ces enseignements, c'est de simplement appeler mon peuple noir à l'éveil de leur conscience, de revenir aux sources, de comprendre que il y a des gens qui maintiennent des connaissances ésotériques, mystiques, spirituelles, afin de la revaloriser la véritable être-été. Qu'est-ce que c'est revaloriser l'être-été? Revaloriser l'être-été veut dire le verbe « je suis ce que je suis », le Dieu qui se présenta à Moïse dans le désert. Qui es-tu pour me parler? J'irai dire quoi à ces gens-là? Il dit « je me révélerai être ce que je me révélerai être ». Je suis ce que je suis. Donc, pour exprimer cet être-été, veut dire quoi? L'expression de l'être-été en soi, c'est une prise de conscience d'abord individuelle et ensuite collective. Par une prise de conscience, et laquelle prise de conscience éveille votre conscience. Et dans cet éveil de conscience, vous passez par des étapes de désindividualisation. Et quand vous vous désindividualisez, ça veut dire vous vous déprogrammez. Et quand vous vous déprogrammez, vous vous en débarrassez de toutes les programmations imposées ça et là par nos frères blancs. Et ces programmations diverses, j'ai appelé ça la décolonisation. Donc il y a une décolonisation spirituelle, une décolonisation politique, une décolonisation économique, une décolonisation politique, une décolonisation religieuse et une décolonisation totale en tout et pour tout afin que nos futures générations ne soient point perdues. Que penserons-nous de nos enfants, mon Dieu? J'ai plus la cinquantaine, j'ai des petits-enfants, mes petits-enfants, s'ils ne comprennent pas ces choses, s'ils doivent seulement parler le français, ils doivent seulement parler l'anglais, et votre humble serviteur parle 17 langues de son pays, le Gabon, y compris même le Mungutuba du Congo, et bien d'autres langues. Et j'apprends, je suis en train d'apprendre actuellement la langue qu'on appelle, la Oussa. Donc cela est un avantage. Est-ce que nos enfants peuvent avoir cet avantage? De comprendre que notre vie en nous dépend de nous, mais ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Que notre vie en nous ne dépend pas d'un certain Jésus. Ce n'est pas Jésus qui viendrait sauver l'Afrique. S'il vous plaît, les Blancs l'ont compris, mais nous, on ne l'a pas encore compris. Je répète que dans mon message, je ne veux pas dire qu'il faut abandonner votre Jésus. Je vous ai seulement dit d'appliquer 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Ce qui est bon, gardez. Ce qui n'est pas bon, rejetez, s'il vous plaît. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et que Teta Mwanga, Teta Nzamba, Teta Nzambe, le Tout-Puissant Akana vous bénisse. Et dans vos foyers, qu'il y ait la lumière, la paix. Que dans vos foyers, vous appliquerez les 10 commandements de ce soir. Comment faire en sorte que votre mari de nuit et votre femme de nuit ne vous emmerde plus, ne vous embête plus? Comment faire en sorte que vous puissiez vibrer dans l'harmonie? Et si ça ne marche pas, vous comprenez maintenant la solution. Si ça ne marche pas dans vos foyers, vous savez la raison. Vous avez maintenant la raison principale. Avalez votre orgueil. Renforcez l'esprit de communication. Renforcez l'esprit de la compréhension. Et avancez tout droit vers le grand temple céleste. Vers cette cathédrale mystique spirituelle dont Jean le prophète a vu dans ses visions dans le livre de l'Apocalypse. C'est une cathédrale que tout un chacun, dans sa maison, dans sa chambre, devait de temps en temps visualiser. Ça va vous permettre d'être en contact direct avec Teta Mwanga, l'âme universelle, conscience universelle ou intelligence suprême supérieure. Et laquelle intelligence va s'harmoniser avec votre divinité parce que vous êtes une partie de lui. Nous sommes Dieu exprimé parce que nous sommes l'étoile de de Dieu. Et cette étoile de Dieu qui est en nous est mise en éveil par la connaissance et la pratique de la connaissance. Or, la pratique de la connaissance, c'est la mise en application de tout ce que je viens de vous dire ce soir. Que Tétan Mwanga, que Dieu vous salue, soyez bénis et soyez dans la paix. Merci beaucoup. Merci.